La Troménie de Saint Ronan, le pardon de la montagne. Chapitre 1. Qui n'a présent à la mémoire la jolie page d'une si railleuse bonhomie que l'auteur des Souvenirs d'enfance et de jeunesse a consacrée à l'humoristique Saint Ronan, ancêtre patronymique du clan des Renans dans la Bretagne armoricaine. Entre tous les saints de Bretagne, il n'y en a pas de plus original. On m'a raconté deux ou trois fois sa vie, et toujours avec des circonstances les plus extraordinaires, les unes que les autres. Il habitait la Cornouaille, près de la petite ville qui porte son nom, Saint-Renan. C'était un esprit de la terre plus qu'un saint. Sa puissance sur les éléments était effrayante. Son caractère était violent et un peu bizarre. On ne savait jamais d'avance ce qu'il ferait, ce qu'il voudrait. On le respectait, mais cette obstination à marcher seul dans sa voie inspirait une certaine crainte. Si bien que le jour où on le trouva mort sur le sol de sa cabane, la terreur fut grande alentour. Le premier qui, en passant, regarda par la fenêtre ouverte et le vit étendu par terre, s'enfuit à toutes jambes. Pendant sa vie, il avait été si volontaire, si particulier, que nul ne se flattait de pouvoir deviner ce qu'il désirait que l'on fît de son corps. Si l'on ne tombait pas juste, on craignait une peste, quelque engloutissement de ville, un pays tout entier changé en marais, tel ou tel de ces fléaux dont il disposait de son vivant. Le mener à l'église de tout le monde eût été chose peu sûre. Il semblait parfois l'avoir en aversion. Il eût été capable de se révolter, de faire un scandale. Tous les chefs étaient assemblés dans la cellule autour du grand corps noir, gisant à terre, quand l'un d'eux ouvrit un sage avis. De son vivant, nous n'avons jamais pu le comprendre. Il était plus facile de dessiner la voie de l'hirondelle au ciel que de suivre la trace de ses pensées. Mort, qu'il fasse encore à sa tête. Abattons quelques arbres, faisons un chariot où nous attellerons quatre bœufs. Il saura bien les conduire à l'endroit où il veut qu'on l'enterre. Tous approuvèrent. On ajusta les poutres, on fit les roues avec des tambours pleins, sciés dans l'épaisseur des gros chênes, et on posa le sein dessus. Les bœufs, conduits par la main invisible de Ronan, marchèrent droit devant eux au plus épais de la forêt. Les arbres s'inclinaient ou se brisaient sous leurs pas avec des craquements effroyables. Arrivés enfin au centre de la forêt, à l'endroit où étaient les plus grands chênes, le chariot s'arrêta. On comprit, on enterra le saint et on bâtit son église en ce lieu. La légende populaire, plus fruste sans doute, ne laisse pas d'avoir aussi son charme. J'en ai recueilli les principaux épisodes dans le pays même où le saint passa la plus grande partie de sa vie. On y trouvera précisées quelques-unes des circonstances extraordinaires auxquelles M. Renan s'est contenté de faire allusion. Renan eut pour patrie d'origine l'Hibernie, note l'Irlande, berceau traditionnel de la plupart des thaumaturges celtiques. Je demandais un jour à une vieille femme de Bégard « Où donc la situez-vous, cette Hibernie, dont le nom revient si fréquemment sur vos lèvres ?»« J'ai ouï dire, me répondit-elle, que c'était un lambeau détaché du paradis. Dieu en fit une terre abrupte et solitaire qu'il ancra avec des câbles de diamants dans des régions de la mer inconnues des navigateurs. Dès qu'elle eut touché les eaux, celles-ci perdirent toute amertume et dans un rayon de 7 lieues à la ronde devinrent douces à boire comme du lait. L'île était dérobée à tous les yeux par un brouillard impénétrable qui flottait en cercle autour d'elle, mais une lumière paisible, toujours égale, en éclairait l'intérieur. Là voltaient, sous la forme de grands oiseaux blancs, les âmes prédestinées des saints. De là, elles partaient au premier signal pour aller évangéliser le monde. Je me suis laissé dire qu'elles étaient primitivement au nombre de 1100 000. Quand l'heure du départ eut sonné pour la 1100 000e, les câbles de diamants se rompirent et l'île remonta au ciel avec la légèreté d'un nuage. En ces temps-là, on pêchait la morue au large des côtes bretonnes. Il n'était pas rare que l'on séjournât des semaines entières sur les lieux de pêche. Une nuit que les hommes dormaient, étendus au fond des barques, il se fit dans la mer un grand remous. Le matelot de quart éveilla ses compagnons. « Voyez donc, » dit-il. Ils virent une chose étrange. Un rocher s'avançait, fendant les eaux et traînant derrière lui un long sillage harmonieux, comme si les vagues, à son contact, eussent vibré. Il était fleuri de goémons d'une espèce inconnue qui dégageait un parfum si délicieux et si fort que toute l'atmosphère, que la mer même en était embaumée. Sur le sommet du roc, une figure agenouillée priait, le front auréolé d'un nimbe dont s'illuminait au loin la nuit. C'était saint Ronan qui abordait au rivage d'Armorique. Il prit terre dans un des havres du Léon. Il ne pouvait pas tomber plus mal. Le littoral de ce canton était alors habité par une population de forbans, naufrageurs et pilleurs d'épaves. Ils adoraient des divinités farouches qu'ils identifiaient avec les chênes des bois et les écueils de l'océan. Ils ne dépouillèrent pas le saint, dont tout l'avoir consistait en une robe de bure trop sordide pour exciter leur convoitise, mais ils ne manquèrent aucune occasion de lui témoigner combien sa présence parmi eux leur était désagréable. Et quand il voulut leur parler de la loi nouvelle, de la loi que Christ avait scellée de son sang, ils lui tournèrent le dos avec mépris en le traitant de rêveur, ce qui dans leur bouche était la pire des injures. Ronan dut renoncer à convertir ces barbares. Désespérant d'adoucir leurs mœurs, il résolut du moins d'en atténuer par tous les moyens possibles les effets. Les saints hibernois ne voyageaient jamais sans être munis d'une cloche portative dont le son, entre autres vertus, avait la propriété de se faire entendre distinctement jusqu'aux plus extrêmes confins du monde. Ronan se servit de la sienne pour avertir en temps de brume les navires égarés et leur signifier qu'ils eussent à s'éloigner de la côte. Ainsi les naufrages devinrent fort rares, en dépit des feux que les indigènes ne se faisaient pas faute d'allumer sur les hauteurs. Ces derniers en conçurent une violente indignation. Les femmes surtout étaient très montées. « Jusqu'à présent, disait-elle, la mer avait été pour nous une nourrice aux mamelles inépuisables. Les cadavres aux beaux bijoux abondaient sur nos grèves. L'orage était notre pourvoyeur. Chaque aube apportait avec elle sa moisson. Rappelez-vous, ô homme, les tonneaux de vin doré, où vos lèvres ont bu tant de fois une ivresse mystérieuse qui décuplait vos forces et de surprenants délires qui nous rendaient plus belles et plus désirables à vos yeux. Que ces choses sont déjà anciennes! Du jour où l'anachorète étranger apparut au milieu de nous, la fortune a changé. Ce doit être quelque enchanteur pervers. Il nous a jeté un sort. Il a juré de nous faire périr de misère. Qu'attendez-vous pour nous débarrasser de lui ? Ces paroles arrivèrent aux oreilles du saint. Pour n'avoir pas à châtier les gens qui les avaient proférées, il décida de s'enfoncer plus avant dans les terres, et ayant retroussé les pans de sa robe d'ermite, il se mit en route vers d'autres climats. Le rocher sur lequel il avait traversé les flots et qu'il appelait sa jument de pierre le suivit dans ce nouvel exode. Ils franchirent des rivières encore innommées, s'engagèrent dans de ténébreuses forêts dont les arbres se souvenaient d'avoir été des dieux. Parfois, des fourrés inextricables entravaient leur marche. Ronan faisait alors tinter sa clochette et les ronces pâmées se désenlaçaient d'elles-mêmes. Ils parvinrent, au sortir des bois, dans une région haute et découverte, semée seulement de bruyères et d'herbes odiférantes que dominait une montagne nue, arrondie, pareille à la coupole d'un temple. Ronan planta en terre son bâton de pèlerin, et le bâton, aussitôt, se transforma en une croix de granit pour lui marquer que ce lieu était celui où il se devait arrêter. La jument de pierre se coucha sur le sol, le saint se mit en prière. C'était l'heure du soir, si particulièrement douce en Bretagne. Au pied du Ménez, vers l'Occident, des campagnes heureuses étaient comme blotties. Des toits invisibles, voilés de feuillage, exhalaient dans l'air de calmes fumées. Plus loin, la mer s'éteignait. Dans ses eaux, grises comme des cendres, les dernières lueurs du soleil disparu achevaient de mourir. « Que la paix demeure à jamais en cette solitude !» murmura le saint. Ce vœu a été exaucé. Nulle part au monde, peut-être, le silence n'est plus grand, plus profond, plus apaisant que sur cette humble cime bretonne. Elle a conservé son aspect primitif, son air inviolé d'autrefois. On y peut voir des troncs de genêts plusieurs fois séculaires. Les bestiaux y viennent brouter l'herbe de printemps, mais l'homme n'a pas encore osé désaffecter cette terre. Elle est restée ce qu'elle était il y a 1200 ans, une colline vierge, une sorte d'oasis du rêve. Ronan y passa des jours exquis, en tête-à-tête avec les vents qui, soufflant parfois du côté de l'Hibernie, lui apportaient, jusqu'en ce désert d'Armorique, le parfum de son île lointaine. Il s'était construit là un péniti, une maison de pénitence, grossièrement faite de quelques branches liées entre elles à l'aide d'un peu de mortier. Il n'y demeurait d'ailleurs que la nuit pour réciter ses vigiles et pour dormir. Le reste du temps, il vivait dehors. Dès l'aube, il était sur pied, pèlerinant par les sentiers de la montagne. Il avait adopté un circuit qu'il accomplissait ponctuellement deux fois par jour, sans dévier d'une semelle, le matin dans le sens du soleil, et le soir à l'encontre de l'astre. La pluie même ne l'arrêtait point, elle l'arrosait sans le mouiller. Le tour qu'il décrivait sur les flancs du Ménès comportait plusieurs lieues. Il cheminait des heures entières, conversant avec les choses dont le muet langage lui était familier, les bêtes aussi lui étaient chères, elles le lui rendaient. Du plus loin qu'elles le voyaient venir, elles accouraient à lui. Pour leur inspirer plus de confiance, il s'amusait souvent, dit-on, à revêtir leurs formes. Il apprivoisait les plus féroces et les moralisait. Un loup qu'il avait en grande vénération s'imagina lui être agréable en déposant un jour à ses pieds un pauvre agnelet tout pantelant. Le saint commença par ressusciter l'innocente victime et tint ensuite au ravisseur un discours si touchant qu'il le convertit pour jamais. C'est depuis lors qu'on a coutume de dire « doux comme le loup de saint Ronan ». S'il recherchait le commerce des animaux, et s'il se plaisait même en la compagnie des plantes, en revanche il fuyait les hommes. Il avait gardé de sa première rencontre avec eux sur les rivages inhospitaliers du Léon un souvenir amer, mêlé peut-être de quelque mépris. S'il lui arrivait d'en croiser un sur son chemin, il le regardait avec des yeux si terribles que le malheureux, saisi d'épouvante, en demeurait hébété pendant des semaines. C'était un avertissement que le saint leur donnait, qu'ils eussent à laisser libre la voie où il était désormais résolu de marcher seul. Il y gagna de n'être plus diverti dans ses promenades, mais sa réputation en souffrit. Une légende redoutable se créa autour de sa personne. On le soupçonna d'être sorcier et nécromancien. Des pâtres affirmèrent l'avoir vu, déguisé en bête, courir le garrot. On l'accusa de semer mille maux par le pays. On le rendit responsable de tous les méfaits des éléments auxquels il était censé commander. Un ouragan de grêle dévastait-il les moissons dans la plaine? Une tourmente subite, bouleversant la mer, faisait-elle voler en éclats les barques des pêcheurs? C'était là autant d'effets de la pernicieuse magie de Ronan. Il faut avouer que, non content d'inquiéter l'opinion, il semblait parfois avoir pris à tâche de l'exaspérer. Un jour qu'il se promenait sous les ombrages touffus de la forêt de Névée, proche de son ermitage, il aperçut un bûcheron en train d'abattre un chêne. Chaque coup de hache arrachait à l'arbre une plainte sourde qui retentissait douloureusement dans le cœur du solitaire. « Qu'as-tu donc à maltraiter ainsi ce vieillard des bois ? » demanda-t-il courroucé. « J'ai, répondit l'homme, que j'en veux faire des planches pour mon grenier. À moins que ce ne soit pour ton cercueil, répartit le saint. » Au même instant, le chêne tombait, écrasant le bûcheron dans sa chute. Que Ronan fût le vrai coupable, cela ne fit de doute pour personne. On ne songea plus dans toute la contrée qu'au moyen de se débarrasser de lui. Des conciliabules secrets furent tenus dans les clairières, à la pâle lumière de la lune, déesse des entreprises nocturnes que ces païens adoraient. Déjà l'on ne parlait de rien moins que d'aller surprendre l'anachorète dans sa hutte de branchage et de le frapper traîtreusement en plein sommeil, quand le chef du manoir de Kernévé, homme sage et tolérant, intervint dans la discussion en faisant observer combien une pareille conduite serait non seulement criminelle, mais périlleuse. « De deux choses l'une, conclut-il. Ou bien Ronan n'a pas la puissance néfaste que vous lui attribuez, et alors pourquoi violer en le massacrant les lois divines et humaines, ou bien il la possède en réalité, et dans ce cas, que peuvent contre lui vos misérables embûches ? S'il est l'enchanteur que vous dites, il n'a rien à craindre de vos rancunes, tandis que vous, si vous l'irritez, vous avez tout à craindre de sa colère. » Cette argumentation refroidit le zèle des plus ardents. « À votre place, continua le maître de Kernévé, je déléguerai vers lui quelqu'un pour lui soumettre nos doléances. Entre nous soit dit, je ne le crois pas aussi méchant que vos imaginations vous le représentent. Il m'est arrivé quelquefois de le suivre à distance dans ses tournées du matin. Savez-vous à quoi je l'ai toujours vu occupé ? À délivrer les mouches de ces trames légères que les araignées de nuit tissent dans les ajoncs. Un esprit démoniaque n'a point de ces sollicitudes. » Une voix dans l'assistance criant « Sois donc notre envoyé et plaide auprès de lui notre cause. » « J'allais vous le proposer, » répondit le chef de maison, le Pentierne, avec la simplicité et le calme qui lui étaient habituels. Sans plus tarder, il se mit en route pour la montagne. La lune était couchée, mais, au sommet du Ménez, la cellule de l'ermite brillait comme un sanctuaire mystérieux. Ronan dormait, allongé sur la terre nue, les mains en croix, la tête éclairée d'une lumière étrange. Ses pieds dépassaient le seuil de la hutte que ne fermait aucune porte. Le maître de Kernévé s'assit dans l'herbe pour attendre le réveil du saint. Il se sentait le cœur vaguement troublé, et, dans sa cervelle de barbare, des idées singulières se remuaient qui lui étaient un objet d'étonnement et d'effroi. Cependant, l'aube commençait à poindre. Dès que le premier rayon eut caressé l'échine de la jument de pierre, celle-ci poussa un hennissement très doux, et tout aussitôt l'anachorète ouvrit les yeux. Il ne témoigna nulle surprise de voir le Penthierne prosterné à quelques pas de l'ermitage dans l'attitude d'un suppliant, mais étant allé à lui, il lui commanda de se lever et de le suivre. Ils se mirent à cheminer ensemble à travers la haute solitude. Leur vue s'étendait au loin sur les campagnes et sur la mer que le soleil naissant baignait d'une vapeur de pourpre et où des harmonies ineffables flottaient suspendues. Le maître de Kernévé avait toujours vécu dans ce site. Il le connaissait en ses moindres détails, mais pour la première fois, le sens intérieur lui en était révélé. Il lui sembla qu'il le contemplait avec des yeux nouveaux et plus parfaits, et il versa des larmes d'attendrissement sans savoir pourquoi, comme un enfant ou comme un homme ivre. Ronan lui dit « Pleure, pleure, c'est Dieu qui entre en toi ». Autour d'eux, les fougères embaumaient. Des haleines tièdes et suaves se jouaient dans les transparences de l'air. Jamais Aurore n'eut plus de grâce et ne para le monde d'une plus exquise séduction. Quand Ronan jugea l'âme de son compagnon suffisamment ameublie, détrempée et prête à recevoir la bonne semence, il commença de lui conter la merveilleuse histoire de Jésus qui consacra le désert comme un lieu de prière. De Jésus qui prêcha du haut des monts avec la mer à ses pieds et enseigna au fils des hommes l'amour universel. L'anachorète, qu'on avait dépeint d'humeur si farouche, parlait avec tant d'onction et de charme. Les récits qu'il faisait de l'ère galiléenne étaient par eux-mêmes si captivants que le chef laboureur en oublia tout le reste. Le saint dut le congédier en lui montrant l'aile grise du soir qui déjà s'éployait dans le ciel. « Que t'a dit le personnage de là-haut ? » interrogèrent les gens de la plaine, pâtres et pêcheurs, quand le maître de Kernévé fut redescendu parmi eux. Il leur répéta mot pour mot les discours de Ronan qu'il portait gravés dans sa mémoire, s'efforça d'en reproduire jusqu'à l'accent. Il fut éloquent, avec simplicité. Plus d'un dans l'auditoire se laissa toucher, mais les autres, le grand nombre, après l'avoir écouté non sans stupeur, ne tardèrent pas à murmurer contre lui et à échanger à son sujet des propos amers. Il ne pouvait s'expliquer qu'un homme aussi avisé que le Penthierne se fût fait tout à coup l'apôtre de nouveautés impies, subversives des anciens cultes. Ils ne doutèrent point que l'ermite ne l'eût ensorcelé. Leur haine contre Ronan s'en accrut. Et, quant au maître de Kernévé, dont ils avaient si longtemps vénéré la sagesse, ils n'eurent dorénavant pour lui que la superstitieuse pitié dont on entoure en Bretagne les innocents et les fous. Il ne s'en émut ni ne s'en plaignit. Il vit s'écarter de lui ses amis les plus chers sans en éprouver de ressentiment. N'était-ce pas, au dire de Ronan, les conditions ordinaires de tout début dans l'apprentissage de la sainteté ? Il ne se passait point de jour qu'il ne se rendît auprès du solitaire, dans un lieu dont ils étaient convenus, sur la lisière du domaine de Kernévé, à mi-pente de la montagne. Une haie de prunelliers sauvages les mettait à l'abri des regards indiscrets. Des pins parasols ombrageaient leurs têtes, et la mer, par une éclaircie, s'étalant devant eux à perte de vue, ouvrait à leurs pensées, à leurs méditations en commun, le champ de son immensité. Là, le fruste disciple de Ronan s'initia aux séductions de la vie contemplative. Il y prit un tel goût qu'il en vint bientôt à considérer tout autre soin comme indigne qu'on s'y appliquât. À savourer les secrètes voluptés de la conscience, ce paysan dépouilla jusqu'à la passion de la terre. Lui qu'on citait naguère comme le modèle des laboureurs, il se désintéressa de ses cultures, cessa de surveiller son personnel, laissa les domestiques agir en maître. On en jasa dans la contrée, finalement, sa femme fut avertie. vivant dehors par métier, tandis qu'elle était retenue à l'intérieur du logis par ses devoirs de ménagère, il avait pu lui dérober quelque temps ses pieuses escapades et fréquenter le sein sans éveiller ses soupçons. Mais il prévoyait bien qu'un jour ou l'autre, tout lui serait dévoilé. Des commères complaisantes s'en chargèrent. Comme il revenait un soir à la ferme, au sortir d'une entrevue avec Ronan, il trouva sur le chemin sa femme qui l'attendait, blême de colère. « Ainsi, cria-t-elle, voilà comment vous vous comportez. J'en apprends de belles sur votre compte. On vous croit au travail avec les serviteurs et vous fait néanter là-haut en compagnie d'un être louche qui est l'opprobre et la terreur du pays. Avez-vous donc juré de mettre vos enfants sur la paille et moi de me faire mourir de désespoir ?» La légende, qui pratique la sélection à sa façon, n'a pas retenu le nom du maître de Kernévé, mais elle nous a transmis celui de sa femme. Elle s'appelait Kében. Monsieur de la Ville-Marquet a voulu voir en elle une sorte de druidesse farouche, reine de la forêt sacrée. Note. Confère Barzaz Breiz, légende de Saint Ronan. Note. Fin de note. Le peuple s'en fait une image moins noble, mais plus voisine peut-être de la réalité. C'était tout bonnement une fermière économe, un peu serrée, dure à elle-même et dure aux autres, uniquement préoccupée d'arrondir son pécule et de léguer à ses enfants un bien solide, exempt d'hypothèque. D'un caractère très entier, elle menait sa maison au doigt et à l'œil. Au reste, femme entendue et capable, ne commandant jamais rien que de sensé. Son mari s'était toujours effacé devant elle. On conçoit sa fureur quand elle s'aperçut qu'il lui échappait. Elle le somma de rompre avec le thaumaturge. Pour la première fois de sa vie, il lui tint tête, opposant à toutes ses objurgations, à toutes ses invectives, une douceur tranquille et obstinée. À partir de ce moment, le manoir de Kernévé, jusque-là si ordonné, si paisible, devint un enfer. Du matin au soir, Kében tournait dans la vaste cuisine comme une louve en cage, grinçant des dents et hurlant. Les enfants se fourraient dans les coins derrière les meubles et pleuraient en silence, n'osant plus approcher leur mère. Valets et servantes quittèrent la maison l'un après l'autre, le domaine tomba en friche, les troupeaux dont nul ne prenait soin vaguèrent dans les champs à l'abandon. L'homme continuait de se rendre à la montagne, auprès du saint, indifférent au spectre de la ruine qui de toutes parts commençait à se dresser autour de lui. Il n'avait plus de souci des choses terrestres. Il habitait dans son rêve comme dans une tour très haute d'où il ne voyait que du ciel. Un vertige d'une autre sorte égarait l'esprit de Kében. Son idée fixe était de se venger de Ronan, qu'elle appelait le débaucheur d'hommes. Elle s'aboucha avec les ennemis du thaumaturge. On sait qu'ils étaient nombreux. Des réunions clandestines se tinrent à Kernévé pendant les absences du mari. On y buvait de l'hydromel dans des cornes du roc. Au bout de quelques jours de ce régime, Kében, devant une assemblée de fanatiques exaltés jusqu'au délire, déclara qu'il fallait cette nuit même, à la faveur des ténèbres, marcher à la hutte de l'ermite, y mettre le feu et l'y brûler vif. « Allons » s'écrièrent-ils d'une seule voix. Mais leur enthousiasme dura peu. À la fraîcheur nocturne, leur ivresse s'était dissipée, faisant place chez les plus hardis à de mystérieuses appréhensions. Ils crurent ouïr dans le vent des paroles de menace. Les bruyères où leurs pieds s'empêtraient leur semblèrent un filet magique tendu sous leurs pas. Une étrange apparition acheva de les terrifier. La forme démesurée d'une bête venait de surgir debout sur le sommet de la montagne et par trois fois un hennissement épouvantable déchira la nuit. Toute la bande se dispersa comme un vol de moineaux. Seul Kében demeura. Sa haine la cuirassait contre la peur. À l'appel de la jument de pierre, Ronan était sorti de son oratoire. Il s'avança vers la mégère et lui dit « Garde-toi de franchir l'enceinte marquée par ses houes. C'est ici un lieu interdit aux femmes. » Kében, ramassée sur elle-même, s'apprêtait à lui sauter au visage. Mais quand elle voulut s'élancer, une force surnaturelle la cloua sur place et ses jambes se raidirent sous elle comme pétrifiées. Alors, dans l'impuissance de sa rage, elle vomit un flot d'injures, traitant le saint des noms les plus odieux. « Ah oui » hurlait-elle, « tu interdis aux femmes l'accès de ton repère, mais tu y attires les hommes, sorcier de malheur. Réponds, qu'as-tu fait du maître de Kernévé? Quel filtre de démence lui as-tu versé? Nous ne te cherchions point, pourquoi nous es-tu venu trouver? Regarde ce manoir là-bas sous les hêtres. On y travaillait dans la joie et dans la concorde. Une fumée heureuse s'élevait du toit, comme une perpétuelle action de grâce au Dieu d'en haut. Eh bien, Tes artifices en ont chassé la prospérité pour y installer la ruine. Où régnait la paix des âmes, tu as déchaîné la guerre conjugale. Par le soleil et par la lune, sois maudit !» Le saint, les yeux au firmament, priait. Son oraison finie, il prononça « Femme, je te rends l'usage de tes membres. Retourne vers tes enfants, à qui tu n'as pas donné à manger ce soir, et dont le gémissement m'a empêché d'entendre tes paroles. » Une plainte, en effet, une plainte discrète et continue, sanglotait dans le vent de la mer. « Nous nous rencontrerons encore, » grommela Kében d'un ton de défi. « Dieu fasse que ce soit au ciel, » répondit Ronan. La femme de Kernévé rentra au logis, l'âme ulcérée. Pendant plusieurs jours, elle resta accroupie sur la pierre de l'âtre, sans qu'on pût lui arracher un mot, ni la décider à s'étendre sur un lit. Elle méditait, dans l'immobilité et le silence, quelque horrible dessein. Une nuit, enfin, après s'être assurée qu'autour d'elle chacun dormait, elle se leva et pénétra dans la pièce où les enfants étaient couchés. Là reposait parmi ses frères Soézic, la fille aînée, à peine âgée de 8 ans, petite blondinette, jolie et délicate comme un ange, la préférée de son père à cause de sa gentillesse et de sa douceur. Kében la prit dans ses bras avec précaution pour ne la point réveiller et s'achemina sans bruit vers la grange. Il y avait dans un coin de cette grange, dissimulé derrière un tas de fagots, un vieux bahut hors de service, fait d'un énorme tronc de chêne creusé au feu, avec des parois aussi épaisses que celles des sarcophages en granit où l'on avait coutume d'ensevelir les chefs de clan. La mère dénaturée déposa l'enfant au fond du coffre, rabattit le lourd couvercle, ferma la serrure à double tour, puis, ayant repris sa place sur le foyer, se mit tout à coup à pousser des cris atroces, des cris de bêtes qu'on égorge. Le maître de Kernévé sauta à bas du lit, épouvanté. « Qu'y a-t-il, femme? Au nom de Dieu, qu'y a-t-il ? » Elle lui montrait la porte de la chambre des enfants. Il alla voir, constata que la fillette avait disparu. Déjà, des voisins étaient accourus au bruit. La cuisine fut bientôt pleine de curieux. Alors seulement Kében parla. Depuis sa querelle avec le thaumaturge, elle s'attendait, déclara-t-elle, à quelque événement de ce genre. Il l'en avait menacée, et c'est pourquoi tous ces temps-ci, elle avait tenu à rester sur ses gardes. Or, voilà que cette nuit, comme elle s'assoupissait de fatigue, elle avait été réveillée en sursaut par une voix qui geignait faiblement. « Mame ! Mame !» Elle avait essayé de se lever, mais en vain. Un sortilège la paralysait. Au même moment, la forme monstrueuse d'un homme loup passait devant elle, emportant en travers dans sa gueule le corps ensanglanté de Soézic. Évidemment, cet homme loup ne pouvait être que Ronan. Tel fut l'avis unanime. Le mari voulut intervenir, risquer une observation, mais on était fixé sur la valeur de ses conseils. L'assistance entière lui ferma la bouche. Il fut arrêté séance tenante qu'on se rendrait à Quimper de ce pas pour dénoncer au roi Gralonmeur l'abominable crime et demander justice contre le malfaiteur. Le cortège, grossi de village en village, accompagna Kében jusque dans le palais du roi. Gralonmeur fut ému par une manifestation aussi imposante. Il dépêcha des archers vers le saint avec ordre de le lui amener sur le champ. En le voyant paraître, il ne douta point que la populace n'eût dit vrai. Avec sa face velue, avec ses ardentes prunelles d'acète, ombragées d'épais sourcils, avec sa houppelande de bure grossière, salie, usée, effilochée, jaunie, pareille à la fourrure d'un fauve et nouée aux reins par une ceinture d'écorce, avec ses pieds souillés de boue, avec ses doigts aux ongles pointus et noirs comme des griffes, le solitaire avait les dehors d'un animal sauvage plutôt que d'un être humain. « Nous allons bien savoir s'il participe de la nature de l'homme ou de celle du loup, » prononça Gralon. « J'ai là 2 dogues qui nous renseigneront à cet égard. » Les terribles bêtes furent lâchées sur Ronan, mais, au lieu de le mettre en pièces, elles se couchèrent docilement à ses pieds, léchant ses haillons, implorant de lui une caresse. Il y eut dans la foule une grande stupeur. Gralonmeur, s'étant avancé vers l'anachorète, s'inclina et dit « Pour que mes chiens t'aient respecté, il faut qu'un pouvoir singulier soit en toi. Parle donc, et confonds tes accusateurs, afin que justice soit faite. » « Je parlerai, » répondit Ronan, « non à cause de moi, qui n'ai de comptes à rendre qu'à Dieu, mais à cause de l'enfant, victime innocente de cette odieuse machination. Commande, ô roi, qu'on apporte ici le coffre qui est à Kernévé, dans la grange, derrière un tas de fagots. » Il fut fait selon sa volonté. Quand on ouvrit le bahut de chêne, on y trouva la fillette, blanche comme cire. Elle était étendue sur le côté, morte. Dur eût été de cœur celui qui n'eût pleuré en la voyant. Ronan lui-même, pour la seule fois de sa vie, dit-on, donna des marques d'attendrissement. Il se pencha au-dessus du cadavre, et l'appelant par son nom, d'une voix très douce, il murmura « Petite Soézic, fleurette jolie, tes yeux se sont clos avant l'heure. Dieu veut que tu les rouvres et qu'ils contemplent longtemps encore le soleil béni. » Il dit. Les fraîches couleurs de l'enfance reparurent aussitôt sur le visage de la morte, et elle se leva du coffre en souriant. La foule, transportée à la vue du miracle, trépignait d'allégresse, exaltant les vertus du saint, criant qu'il fallait lapider qu'ébène. Mais Ronan, « J'entends, fit-il, que cette femme s'en retourne chez elle, saine et sauve. » À partir de ce jour, le solitaire vécut honoré de tous dans la contrée qui, jusque-là, lui avait été si marâtre. La religion qu'il professait supplanta les anciens cultes. Toutefois, il ne changea rien à ses habitudes, s'abstint, comme par le passé, de tout commerce direct avec les hommes, si même il ne se montra pas encore plus secret. De sorte que la vénération qu'il inspirait resta mêlée de quelques craintes. On le suivait du regard de loin dans sa promenade quotidienne, mais on n'aurait jamais eu la hardiesse de l'aborder. Quand on s'adressait à lui, c'était par l'intermédiaire du maître de Kernévé, la seule créature humaine qu'il accueillit sans répugnance et dont il écouta volontiers les propos. Saint Corentin vint un jour lui faire visite à son oratoire dans le dessein, à ce que l'on prétend, de se démettre en sa faveur de son épiscopat de Quimper. Il trouva la porte fermée par une simple toile d'araignée, voulut passer au travers et ne put réussir à rompre la trame. Il comprit que Ronan refusait de le recevoir et rebroussa chemin, non sans dépit. C'est au printemps, la veille du Vendredi Saint, que mourut le thaumaturge de la montagne. Sitôt qu'il eut rendu l'âme, de grands nuages aux formes bizarres et tourmentées accoururent de tous les points de l'horizon et se rassemblèrent autour de la cime, étendant un voile de ténèbres sur le pays environnant, tandis que de l'oratoire s'élevait vers le ciel une longue colonne de fumée blanche. Par ces signes, on fut averti que Ronan n'était plus. Mais on attendit au troisième jour avant de franchir l'enceinte des housses sacrées. L'humeur du saint était à redouter même après sa mort. Il fallut que le Penthierne entrât le premier dans la cellule. Le cadavre ne présentait aucune trace de décomposition. Il était couché dans la posture qui, de son vivant, lui était familière, ses pieds de marcheur obstinés dépassant le seuil. Les mèches hérissées de ses cheveux étaient lumineuses comme des flammes. D'une main, il pressait sur sa poitrine un livre au fermoir richement ouvragé, sans doute un répertoire de formules magiques, pensèrent les paysans. Dans l'autre, il tenait la clochette, compagne mélodieuse de ses migrations. On a vu de quelle façon il fut procédé aux funérailles. Dès que le corps eut été placé sur le chariot, les bœufs se mirent en marche et la clochette de fer commença d'elle-même à tinter. Pendant toute la durée du trajet, elle sonna ainsi, à petits coups grêles et lents, comme un glas. L'attelage s'était immédiatement engagé dans la sente que Ronan avait accoutumé de parcourir chaque matin et chaque soir. En traversant les terres de Kernévé, il arriva près d'un lavoir où qu'ébène l'avait. Cette femme singulière, depuis l'aventure du coffre, n'avait plus fait parler d'elle, mais elle ne s'était ni amendée ni assagie. La clémence de Ronan, au lieu d'apaiser sa haine, l'avait exacerbée. Lorsqu'elle apprit sa mort, elle eut un tel accès de joie cynique que momentanément on la crut folle. Non seulement elle refusa de prendre le deuil avec les autres ménagères du quartier, mais elle choisit le jour des obsèques pour faire sa lessive, commettant de la sorte un double scandale, puisqu'en ce même jour se célébrait la fête de Pâques. Le cortège s'avançait dans un recueillement silencieux au son de la petite clochette, quand, parmi des bruits de battoir, une chanson narquoise s'éleva de derrière les saules qui bordaient l'étang. « Bimbaon, clochao, mawejegou, ganter orfad, guadigenou. Bimbaon, les cloches, il est mort, jegou, d'une ventrée de boudin. » Note. C'est un refrain populaire très répandu en Bretagne et que l'on chante aux enfants pour les bercer. Fin de note. Ainsi chantait à voix haute et stridente qu'ébène l'effrontée. Les bœufs cependant débouchaient dans le pré et ils cheminaient droit devant eux, sans souci du linge qui séchait étalé sur l'herbe. Déjà ils piétinaient de leurs durs sabots les nappes de toile fine. Kében du coup cessa de chanter. Échevelée, noire de fureur, elle se jeta à la tête des animaux. « Arrière, sale bête » cria-t-elle. Et brandissant son battoir, elle les en frappa avec une telle violence qu'elle écorna l'un d'eux. Ils n'en continuèrent pas moins leur route, de leur bonne allure tranquille. Alors, la rage de Kében se tourna contre le cadavre. Elle s'était cramponnée au chariot, au risque de se faire écraser. Et à chaque tour de roue, des paroles insensées, des injures inexpiables s'échappaient de ses lèvres. « Va, charogne, va rejoindre dans le charnier où elle pourrit la louve qui fut ta mère. Tu dois être content, fléau des ménages. Grâce à toi, la plus belle lessive du pays est en pièces. Ris donc, artisan de malice, fourbe des fourbes, nuisible jusque dans la mort. Ah ah, et dire qu'il y a des benêts qui te pleurent. Quant à moi, tiens, voilà mon adieu. » Horrible profanation, elle venait de lui cracher à la figure. Ce fut du reste son dernier outrage. Le sol au même instant s'entrebâilla sous elle et l'engloutit. Au bout de 3 heures de marche, la clochette s'étant tue, les bœufs s'arrêtèrent. On était en pleine forêt, sur le versant occidental de la montagne. Une fosse fut bientôt creusée, mais lorsqu'il s'agit d'y descendre le corps du saint, les efforts réunis de 20 hommes demeurèrent impuissants à le soulever. « Peut-être ne veut-il pas qu'on l'enterre, » opina quelqu'un. « Laissons-le en cet état et attendons les événements. » Or, il advint une chose extraordinaire. Dans l'espace d'une nuit, le cadavre se pétrifia, ne fit plus qu'un avec la table du chariot transformée en dalle funéraire et apparut comme une image éternelle sculptée dans le granit d'un tombeau. Les arbres d'alentour étaient eux-mêmes devenus de pierre. Ils s'élançaient maintenant avec une sveltesse de piliers, entrecroisaient là-haut en guise de voûte les nervures hardies de leurs branches. Tel fut, d'après la légende, le premier chêne de l'église de l'Ocronan et du cénotaphe qui s'y voit encore dans la chapelle du Péniti. Chapitre 2. Si jamais vous visitez l'Ocronan, faites en sorte d'y arriver par la vieille côte. La montée, au début, n'est pas engageante, c'est moins un chemin qu'une ravine que le lit desséché d'un torrent. Mais, à mesure que l'on approche de la crête, la route s'aplanit, se dilate, retrouve sa noble aisance d'ancienne voie royale. Bornée encore vers l'occident par un dernier renflement des terres, l'horizon s'est découvert peu à peu dans la direction du sud et du septentrion. Derrière vous s'estompent les grandes houles bleues du Quimpérois. À votre droite s'enlève sur le ciel la montagne sacrée avec son énorme croupe creusée de plissements rugueux où les traînées de bruyère semblent des fumées roses courant à ras de sol. À gauche, un pays vert, d'un vert lumineux, d'un vert fauve, déroule jusqu'à la mer Océane la nappe onduleuse de ses feuillages. Des pins bordent la route, mais sans entraver la vue qui se joue librement entre leurs fûts et branchées, et l'on a au-dessus de soi l'aérienne mélopée de leurs cimes, ajoutez que nulle part ailleurs en Bretagne, on ne respire mieux ce que le poète appelle l'ivresse de l'espace et du vent intrépide. Le vent s'acharne d'une aile infatigable sur ce haut plateau. On est, pour ainsi dire, bouche à bouche avec l'Atlantique qui vous souffle à la face, de tout près, sa rude haleine salée, vous fouette la peau de ses larges embruns. Le bruit des vagues se fait si distinct qu'on se croirait sur un sommet de falaise. On s'attend à recevoir dans les jambes un paquet d'écume. Point. De l'abîme, béant à vos pieds, c'est un clocher qui surgit. Un clocher veuf de sa flèche. Une énorme tour carrée aux étroites et longues ogives, d'où s'envolent, non des goélands, mais des corbeaux. Plus bas, voici l'église, tassée de vieillesse, sous sa toiture gondolée. Et près d'elle se montre le cimetière, un arpent de montagne clos de murs en ruine et foisonnant d'herbes. On descend une pente raide, sinueuse, presque une rue, avec les restes d'un pavage ancien. Jadis, au temps d'une prospérité qui n'est plus qu'un mélancolique souvenir, c'était par ici que la diligence de Quimper à Brest faisait à l'Ocronan son entrée, dans un fracas de ferrailles et de grelots, semant sur son passage le mouvement, la gaieté, la vie. Les femmes, leurs poupons dans les bras, accouraient sur le seuil des petites maisons basses qui toutes portent inscrites dans leurs linteaux la date de leur construction et les noms des ancêtres qui les édifièrent. Les hommes eux-mêmes, tisserands pour la plupart, se soulevaient sur les pédales des métiers et, par la lucarne entr'ouverte, saluaient le postillon d'un lazy, les voyageurs d'un souhait de bon voyage. À l'animation d'autrefois a succédé, hélas, un morne silence. Les chemins de fer ont tué les messageries et les machines, les métiers à main. De ceux-ci, il subsiste peut-être une dizaine et qui chôment plus souvent qu'ils ne travaillent. Au commencement du siècle, ils étaient environ 150, où se venaient approvisionner de toile à voile tous les ports du littoral cornouaillais. Du matin au soir et d'un bout du bourg à l'autre, retentissait alors, selon l'expression d'un habitant du lieu, l'allègre chanson de la navette. On vous contera que Saint-Ronan fut l'inventeur de cette industrie, qu'il la pratiqua lui-même, sans doute dans l'intervalle de ses promenades, et l'enseigna au Pentierne, son compagnon de prière. Avant lui, les pêcheurs se contentaient de suspendre des peaux de bêtes aux mâts de leurs embarcations. Il fit planter du chanvre, montra l'art d'en tisser les fibres. Une source d'abondance et de richesse ruissela sur le pays. L'opulence des bourgeois de Locronan devint aussi proverbiale que celle des armateurs de Pinmar. On en peut contempler d'éloquents vestiges dans les pignons élégamment sculptés ou dans les façades monumentales qui encadrent la place. Ce sont demeures de grand style, dont quelques-unes traitées avec goût dans la manière de la Renaissance. Si déchues soient-elles de leur antique splendeur, elles ont encore fière mine, gardent jusqu'en leur délabrement un air de noblesse et de solennité, communiquent à l'humble bourg un je ne sais quoi de magistral qui en impose. Rien de banal ni de mesquin. Cela a la majesté solitaire des belles ruines. Cela en a aussi la pénétrante tristesse. Le cœur se serre à parcourir les menues ruelles qui, contournant les maisons, rampent vers la campagne ou plongent à pic au fond du quartier de Bonne-Nouvelle, Kéloumade. Ce ne sont là que murs croulants, décombres épars, jonchant au loin les jardins en friche. On a le sentiment d'une cité qui s'effrite pierre à pierre et qui ne se relèvera plus. Ses habitants même de jour en jour l'abandonnent, émigrent, comme si un sort pesait sur elle, quelque malédiction à longue échéance proférée, voilà 1300 ans, par le thaumaturge de la montagne. Mais non, l'esprit de Ronan ne s'est pas retiré de sa bourgade. Tout au contraire, il en est resté le génie bienfaisant. C'est grâce à lui si elle retrouve, à des périodiques intervalles, un semblant d'animation et de vie. Tous les 7 ans, en effet, comme il arrive, dit-on, pour les villes mortes de la légende, Locronan se réveille, voit abonder dans son désert un peuple de pèlerins. Durant l'espace d'une semaine, il peut se croire revenu aux jours les plus brillants de son histoire. Ce miracle, c'est la troménie qui l'opère.